J'hier passé devant moi comme toi tu l'as fait. En ce moment mais sauf qu'hier moi je suis resté bluffé. Dialogue muet qui s'étendait à chacun de ses regards. J'ai suivi sa silhouette s'éloigner comme un train qui est en gare. Dès le lendemain j'étais là, dis-moi j'attendais quoi? Sans doute son regard de soi ou pouvoir entendre sa voix. C'est au même endroit que j'ai eu droit à son apparition. L'ange s'approcha, se dirigea dans ma direction. Je l'ai vu du regard mais ses yeux verts m'ont rappelé à l'ordre. J'étais pris pour cible et dans mon âme mon cœur a mis des ordres. Cette fille était femme et d'un coup je me suis senti grandir. Devenir un homme en moi juste pour pouvoir lui convenir. J'ai fait tout fait pour l'empêcher de partir. Je l'ai revu le lendemain et puis le lendemain le pire. C'est qu'elle m'a dit de fuir ou de rester, qu'importe mon choix. Elle ajouta, surtout ne tombe pas love de moi. Elle a manié mon âme, puis je tombe sous le charme. Elle m'a battu sans armes, et je tombe sous le charme. Elle m'a qu'à me le dire, et je devrais partir. Elle a, mais je, elle a, mais je, elle a manié mon âme, puis je tombe sous le charme. Elle m'a battu sans armes, et je tombe sous le charme. Qu'à me le dire et je devrais partir. Elle a, mais je, elle a, mais je pris le temps de la revoir et puis un jour elle m'a dit, si tu continues comme ça, faudra qu'un jour on se marie. Je lui ai dit pas de blême, on verra ça dans 5 ou 10 piges. Elle s'est mise à pleurer devant moi, je lui dis c'est quoi le litige. Elle m'a dit t'inquiète, ça passera, je t'expliquerai. Je suis passé à autre chose, ne voulant plus la triste. Le reste du temps on est allé loin, très loin même. Un peu trop rapidement mais c'est normal car elle-même. Elle me l'avait dit un soir devant un ciel étoilé. Les larmes avaient noyé mes yeux rendant ma vision voilée. J'aimais chaque chose en elle, sa bouche et puis sa douceur. Ces moments de love et de tristesse, parfois de douleur. Je comprenais pas grand chose et pourtant je lui demandais ce qui n'allait pas et si un jour je pouvais l'aider. Un soir même je l'amène et je lui ai dit, tu sais bébé je t'aime, elle m'a repoussé, elle est partie. Elle a manié mon âme, puis je tombe sous le charme. Elle m'a battu sans armes et je tombe sous le charme. Elle m'a qu'à me le dire et je devrais partir. Elle a, mais je, elle a, mais je, elle a manié mon âme, puis je tombe sous le charme. Elle m'a battu sans armes et je tombe sous le charme. Elle m'a qu'à me le dire et je devrais partir. Elle a, mais je, elle a, mais je l'ai recherché après ça et ce dans toute la ville. Je suis allé chez elle et je suis parti chez toutes ses amies. Personne n'avait vu ou tout le monde m'avait menti. Depuis 2 semaines d'être préparé à partir, je l'avais senti. Je la voyais de moins en moins et surtout depuis ce jour où j'avais pris la décision de dévoiler mon amour. Elle m'avait dit de jamais lui dire et toujours le cacher. J'en avais marre, j'en pouvais plus, la vérité je l'ai craché. Vers minuit puis j'ai reçu un coup de fil qui disait, je suis à l'hôpital, viens me rejoindre, je pourrais t'expliquer. Arrivé là-bas j'ai compris que c'était sérieux. Elle m'a avoué que pour elle le temps qui passe est toujours précieux. Elle est malade et j'ai compris pourquoi un jour elle m'a dit, ne sois pas love de moi et viens un jour faudrait qu'on se marie. J'ai vu un ange passer devant moi et il a disparu. Je croyais au futur mais la maladie ne m'a pas cru. Elle a manié mon âme, puis je tombe sous le charme. Elle m'a battu sans armes et je tombe sous le charme. Elle m'a qu'à me le dire et je devrais partir. Elle a, mais je, elle a, mais je, elle a manié mon âme, puis je tombe sous le charme. Battu sans armes et je tombe sous le charme. Elle m'a qu'à me le dire et je devrais partir. Elle a, mais je, elle a, mais je, elle a